Afrique Média. Le monde, c'est nous. Il faut donc tout faire, museler, étouffer, sanctionner, embrigader, réussir tout ce qu'il faut pour éviter que l'écho venu d'Afrique Média ne puisse continuer à atteindre les profondeurs du monde entier, vu que cet écho visiblement dérange la politique américaine. Le département d'État américain en a fait véritablement son cheval de bataille et sa ligne de conduite en voulant et en considérant désormais Afrique Média comme étant un véritable obstacle, disent-ils, pour l'éclosion et le triomphe des agendas de l'Occident, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Afrique Média, selon ce rapport du département américain, est en train de permettre aujourd'hui, grâce également au concours, on va le dire, de plusieurs leaders panafricains sur le continent africain, d'étendre l'influence ou encore un peu plus l'hégémonie de la Russie sur le continent africain. Cette Russie, disait-il, est présente sur le continent africain non pas pour un véritable pseudo accompagnement militaire ou alors sécuritaire sur le continent africain, mais se servir pas sur le dos des Africains, mais se servir du sous-sol du continent africain. Il faut donc, comme cela est véritablement un coutume, mettre en place une bagatelle de mesures, mais surtout de sanctions, pour étouffer, mettre à mal donc toutes ces différentes composantes que nous avons justement évoquées. Alors, Monsieur Simon D, je vous retrouve rapidement pour tenter de comprendre, vu que c'est un énième rapport, une énième sortie, une énième interpellation du département d'État américain contre la chaîne Afrique Média. Quelle lecture peut-on faire d'abord d'entrée? Monsieur Dou, ça ne m'étonne même pas. Ce n'est pas la première expérience qu'on vit. On l'a vécu quand on était en Orbon. On a fermé Afrique Média pendant une journée. C'est le peuple camerounais qui, dans le temps, n'était pas aussi à ce niveau, qui s'est opposé à la fermeture d'Afrique Média. Les gens sont amassés à l'ancien bureau de Dorbon, si vous connaissez très bien, les gens sont amassés. On a forcé l'ouverture d'Afrique Média. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'avaient pas mesuré l'ampleur du travail qu'Afrique Média est en train d'effectuer depuis 15 ans. Au fur et à mesure, les gens se rendent compte, mais trop tard. Et ils se rendent compte quand le peuple africain a déjà pris à son compte la lutte qu'Afrique Média a menée pendant 15 ans. C'est-à-dire que le peuple africain s'est approprié ça dans tous les 54 pays africains. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Parce que la plupart des chaînes panafricaines sont aujourd'hui en train de relayer le travail qu'Afrique Média a fait depuis le temps. Tout à fait. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre, les gens se rendent compte qu'ils ont été piégés. Ils sont tombés dans un piège pour lequel ils ne s'attendaient pas. Et le peuple africain est en train de se réveiller. Et ça crée une révolution dans tous les pays africains. Et ils prennent conscience que désormais, les choses ne peuvent plus être comme avant. Et ce qui va arriver au bout de cette histoire, c'est que le peuple africain va s'approprier ses ressources minières complètement, la transformer elle-même. Rien ne va plus partir. Et ceux qui sont inquiets. Et avec le concours, permettez-moi, de la Russie, qui vient au secours de tous les pays africains, parce que hier, ils ont combattu la Russie. Ils ont dit, quand vous étiez, moi je suis militant de l'UPC, quand on rentrait à l'UPC, on nous disait que vous êtes des communistes, on ne nous laissait même pas placer un seul petit mot parce qu'on disait qu'on était avec la Russie. Or, on travaille pour la libération totale des pays africains. Aujourd'hui, la lutte est entre les pays. C'est le lieu ici de remercier les Oumyobé, les Wandi, sans oublier les Sankara, les Lumumba, tous ces gens qui sont sacrifiés, les Julius Olympio, qui sont sacrifiés pour la libération de l'Afrique. Je dis que la lutte est en train de payer. Et je suis très heureux de voir que Afrique et Média est au cœur de cette bataille, cette libération de l'Afrique. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, mais on nous a traité tous les noms d'oiseaux quand on a commencé cette lutte. On nous disait, les aboyeurs, vous ne pouvez rien faire contre la France. Aujourd'hui, Les mêmes gens qui nous poussaient tous ces noms d'oiseaux. Oui, monsieur nous. Puisque vous êtes aujourd'hui à la sorte de la Russie, on y reviendra de fond en comble pour tenter de comprendre de quoi est-ce que craint finalement le département d'État américain sur la position, alors les positions d'Afrique. C'est justement parce que les positions d'Afrique Média, c'est un éveil de conscience pour le peuple africain. C'est qui fait que ça gêne tout le monde. Que ce soit l'OTAN, que ce soit l'ONU, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Amérique, que ce soit tous les pays de l'OTAN, ils sont gênés par les prises de position de l'Afrique qui est un éveil de conscience de tout le peuple africain. Parce qu'aucun média avant n'avait posé ce genre d'acte aujourd'hui qui est en train de faire en sorte que l'Afrique bouge, pas à tous les niveaux, j'ai bien à tous les niveaux, grâce à un seul média qui a réussi à conscientiser. Parfois incompris, même du grand public. Sûr, Afrique, on se souvient, M. Simon Debo gardait la parole le lendemain de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine. Beaucoup de téléspectateurs, à un moment donné, se sont même en prière. Nous autres téléspectateurs, ne comprenant pas le bien fondé de la position géopolitique d'Afrique Média sur ce conflit. C'est bien après, effectivement, que beaucoup d'Africains, d'ailleurs, professeur Jean-Paul Mbélé, quand on s'en souvient, était sur ce plateau, disaient que, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on doit consacrer autant de temps pour parler de la Russie alors qu'il y avait, ou alors de l'Ukraine, alors qu'il y avait plusieurs problèmes sur le continent africain, ne faisant pas rapidement le lien entre la réalité, en tout cas, entre les faits qui se déroulaient du côté de la Russie et le fait que l'Afrique était étroitement liée à cette guerre, entre guillemets, historique qui mettait, posait effectivement les jalons d'une libération pure et simple, d'abord même de l'Europe, mais effectivement du continent africain. Monsieur, n'oubliez pas une chose. Vous savez, on a eu un problème de communication pendant des décennies ici en Afrique. Quand vous voyez l'histoire de la communication, dans tous les pays africains, les 14 pays du précaré français, c'est Canal 2 qui véhicule la communication dans tous les pays africains. Ce qui fait qu'ils biaisent toutes les informations qui sont adressées au peuple africain. Ce qui fait qu'il faut du temps pour que les gens comprennent les enjeux de la lutte que mène l'Afrique Média. Parce que si vous allez dans la plupart des maisons, dans les habitants des Africains, vous verrez que tout le monde est sur Canal+. Canal+, n'a pas Afrique Média. Ce qui fait que ceux qui ont Afrique Média, ils sont en avance sur ceux qui... De sorte que quand on commence un débat, il faut du temps pour que vous amenez quelqu'un à comprendre. Parce que les médias mensonges ont tellement mis dans sa tête que c'est la France qui fait tout. C'est l'Amérique qui fait tout en Afrique, de sorte que les Africains sont nuls. S'il n'y a pas la France, il faut du temps pour que les Africains comprennent. Heureusement, ils ont pris conscience et la France se retourne maintenant progressivement contre les gens qui nous ont combattus. Ce qui fait que l'Afrique Média est combattue à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Heureusement pour nous, il y a la plupart des chefs d'État africains qui commencent à comprendre le sens de la bataille qu'a menée Afrique Média. Et ils, sans même le vouloir, ils apportent leur concours. Parce que la plupart du temps, quand on a voulu fermer Afrique Média, c'est même certains chefs d'État qui ont intervenu pour dire, monsieur, c'est vous qui avez dit qu'il y a la liberté d'expression. C'est quoi votre histoire? Vous voulez fermer un média sous le fameux prétexte qui sont en train de dire des choses qui ne vont pas à l'encontre de vos intérêts. Donc, c'est pour ça que je dis encore, on est en train de mener une bataille et la plupart du temps, tous les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux sont contre Afrique Média pour la simple raison qu'Afrique Média est en train de faire en sorte que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont en réalité. D'accord. Merci à vous. Alors, André Christel Fanga, je vous donne la parole. Et Monsieur Simondet a véritablement mis le pied dans le plat parce que je voudrais convoquer véritablement ce sacro-saint principe qui encadre effectivement les libertés fondamentales, qui est la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de réfléchir. On a un sachant savant sur le plateau. Comment est-ce qu'on peut demander aujourd'hui, embrigader tout un peuple aujourd'hui, avoir un seul chemin de pensée, celle qui est véhiculée par l'Occident? Parce qu'il faut le dire, c'est le principal grief retenu par Afrique Média aujourd'hui, par les États-Unis. C'est pour ça que je aime toujours dire, premièrement, le monde est en guerre. Et quand le monde est en guerre, chacun utilise les armes qu'il a en sa possession. Et les gens qui n'avaient pas compris que la communication est une arme puissante savent aujourd'hui que la communication fait partie de l'armement d'une nation, d'un peuple, des différents opérateurs, des personnes qui veulent aller gagner une guerre ou une bataille. Le rapport du département d'État américain contre Afrique Média, c'est simplement parce que l'arme que représente Afrique Média a touché le système gouvernant actuel du monde. Parce que déchiffrer, découdre, mettre hors d'état de nuire tout système propagandiste états-unien, européen, nous avons décortiqué ici de A à Z toutes les méthodes. Et c'est ce qui crée la révolution. Parce qu'en réalité, si on n'avait pas une arme comme Afrique Média, l'Afrique serait encore dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Dieu merci pour les autres médias qui sont venus, n'est-ce pas? On les apprécie à leur juste valeur. Mais il faut reconnaître que il y a un média qui a une identité particulière, en fait, qui est la mère, la matrice, celle qui a conçu et mis au monde un système aujourd'hui qui permet de contrecarrer l'Occident. Parce que Afrique Média a mis à nu une organisation appelée la CPI. Et d'ailleurs, nous profitons pour saluer le président Laurent Koudou-Bagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Qui sera de retour bientôt du côté de la Côte d'Ivoire, selon nos informations. Mais sachez que s'ils ils ont pu obtenir leur liberté, c'est en partie. En partie, Afrique Média a joué son rôle pendant 8 ans. Que dis-je? Pendant 10 ans, nous étions au cœur de cette bataille judiciaire. Où on a démontré de A à Z que ce n'est pas une institution judiciaire, la CPI. C'est une cour de règlement de comptes politiques aux gens qui ne veulent pas obéir au doigt et à l'œil de l'Occident. Nous avons démontré ici que l'ONU, l'eau qui est nue, n'est-ce pas? Bien sûr. L'organisation qui est désormais exposée. N'est pas une organisation pour aider le monde, pour résoudre les problèmes du monde. Nous avons démontré ici que le Fonds de misère international, c'est-à-dire le FMI, le Fonds monétaire titan, n'a jamais aidé aucun État. Tout à fait. N'a jamais rien apporté grâce à Afrique Média. C'est Afrique Média qui a encore dit au monde entier que mais, vous êtes avec le franc CFA. Le CFA n'est pas une monnaie. D'ailleurs, Simone Day, vous vous rappelez de ces moments-là où les grands économistes nous disaient, même dans notre propre pays, le Cameroun, nous disaient que vous n'êtes pas assez intelligent. Vous êtes un peu bête là. Vous ne comprenez pas. Quand vous ne comprenez pas le système monétaire, d'ailleurs, vous êtes même allé à quelle école pour venir nous dire, nous sommes les maîtres de la pensée. Nous avons appris. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire une petite anecdote au palais présidentiel de notre pays, le Cameroun. Quand le Cameroun était dans une crise assez importante contre certains États, c'est Afrique Média qui a pris position. Et le chef d'État camerounais s'est retrouvé à appeler ses conseillers. Il dit, mais d'où viennent ces jeunes hommes-là? D'où viennent ces hommes-là? Pourquoi vous ne me les avez pas présentés à temps? Je vous dis, c'est une anecdote que je vous donne et qui est vérifiée. D'ailleurs, il y a des témoins. Parce que les personnes qui nous racontent ça sont au cœur du système. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ceux qui nous traitaient d'aboyeurs. Des gens qui ne parlent pas très bien français. Vous savez, quand vous ne citez pas Rousseau, vous ne citez pas Descartes, quand vous ne citez pas tous ces intellectuels intellectuels. Quand vous n'allez pas, vous n'avez pas vos références académiques venues de Harvard, venues de Sorbonne, venues de. Mais on a quand même un qui est sur ce plateau qui a quand même côtoyé ce grand milieu. Donc il peut mieux apprécier. Non, je dis ça, c'est à l'époque. Parce qu'on regardait les CV, on disait ben, ben celui-là, ben. Bon, quand nous on était à Lyon. Lyon, on était à Paris, quand on était dans le 16e arrondissement, quand nous étions, d'ailleurs même avec Nicolas Sarkozy, nous avons déjeuné, vous voyez, c'était fantasmagorique, c'était vraiment une expression de moquerie, n'est-ce pas, de voir ces gens qui n'avaient pas le même CV, mais aujourd'hui, puissions récupérer le débat que nous avons imposé, que nous avons dit au travers Afrique Média que voici le débat de l'heure. Le débat de l'heure ne sera pas de qui vous avez appris la géographie, vous avez appris l'histoire, vous avez appris... Ça sera le combat de la liberté. Et ce combat de la liberté, aujourd'hui, Afrique Média, nous pouvons saluer les deux mains, ces panélistes, ce PDG, ces journalistes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que, justement, nous puissions atteindre ce niveau-ci. D'accord. Aujourd'hui, ce niveau est remarquable. Pourquoi? Parce que le débat s'est imposé dans le monde. Si M. Emmanuel Macron peut se réveiller chaque matin et demander qu'est-ce qu'Afrique Média a dit. Tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire que... Ça veut dire que nous comptons sur l'échiquier politique mondial aujourd'hui. Nous sommes devenus cette arme-là qui arme l'Afrique d'une pensée. Oui, professeur Mbelek, vous avez parlé de la pensée. Vous avez parlé de la réflexion. Oui, du renouvellement de l'intelligence. De revoir les choses. C'est ce que Afrique Média a réussi à faire des années. De retourner la pensée des Africains, de leur dire que mais voici où vous devez aller combattre. Voici où se trouve le défi. Les défis de l'heure, c'est que on a quelqu'un qui mange notre, qui a préparé la nourriture, en fait, qui est allé dans notre champ, qui a récolté notre nourriture, il a préparé et il est resté couché à côté de la mamie. Et les enfants sont assis dans les chambres, sont couchés dans les chambres, ils ont faim. C'est normal, monsieur Ndé, qu'ils doivent rester toujours couchés sur la mamie, mais qu'ils sachent qu'on va se lever de notre sommeil avec les gourdins. On va les chasser à côté de cette mamie-là, et nous allons récupérer la mamie parce que vous avez dit, c'est le ventre qui amène les pieds quelque part. D'accord, merci à vous, André Christel Fangam. Alors, Jonathan Batengeni, je vous la pose de manière vraiment classique. Que reproche-t-on à Afrique Média aujourd'hui? Le pasteur Fanga a dit de manière, il a touché du doigt. Mm-hmm. Afrique Média n'est pas resté dans le débat périphérique. Figurez-vous, le débat périphérique en Afrique, c'est le débat sur la pseudo-bonne gouvernance. Mm-hmm. On vous réunit tous les soirs ou tous les dimanches, on vous dit débattez de la route qui n'est pas goudronnée, la route qui n'est pas bitumée, du pont où il y a eu des détournements de fonds, discutez de l'absence de formation des cadres de l'administration, des étudiants qui travaillent dans des conditions obsolètes, de la réforme de votre système éducatif avec la modernisation. Cette réforme, c'est une question, on ne peut pas parler on peut pas la considérer comme une question périphérique, c'est quand même une question dans le débat centrale. Dans le débat périphérique, la réforme n'est pas la réforme du fond des enseignements. D'accord. C'est la réforme de l'adaptation NTIC. D'accord. On vous dit non, il vous faut les TIC, les nouvelles technologies, il vous faut les campus numériques, il vous faut... C'est ça le débat périphérique. D'accord. Vous êtes en fait dans l'accessoire, vous n'êtes pas dans l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui a été abordé avec Afrique Média. Les mécanismes de dépendance. Et ce débat essentiel, malheureusement, il était déjà posé à l'université. Parce que les premières grandes réflexions sont faites par des intellectuels. Les Emmanuel Wallerstein, il parlait déjà de la déconnexion. Mais comment allait se faire cette déconnexion? Les gens Ziegler parlaient de ces rapports d'assujettissement qui sont construits. Les Thun Jean Pouemi qui parlaient de la domination monétaire avec l'utilisation du franc CFA. Vous aviez plusieurs intellectuels africains, Frantz Fanon, qui parlaient du néocolonialisme. Il y avait déjà une réflexion à l'université qui était faite, ou bien à l'école, qui était faite pour déconstruire cette domination, pour rentrer dans le débat de fond. Sauf que le processus des indépendances, ne l'oublions surtout pas, le processus des indépendances a été le kidnapping des États africains pour les confier à ceux qui le moins se préoccuperaient du débat de fond. L'université est devenue un endroit où on formait les individus pour aller être des administrateurs. Mon père de qui est là, c'est très bien que pendant longtemps, c'était « va faire tes études, tu vas travailler dans l'administration ». C'était ça le conseil. Moi, je ne peux pas en vouloir à cette élite intellectuelle qui a été formatée suivant les besoins du système néocolonial. Mais ce qu'on doit savoir aussi, c'est que Il y a beaucoup d'intellectuels qui se sont battus aux côtés des Oumyobé, aux côtés des Lumumba, qui ont donné de leur vie dans ce combat. Quand on parle de, Samora Machel, c'était un sociologue. Amilcar Cabral, c'était un sociologue. C'était des personnes qui ont étudié. Mais pourquoi on leur a empêché d'être dans le débat de fond? Quand vous deveniez intellectuel et que vous êtes dans le débat de fond, on vous paupérise. Tout à fait. On vous criminalise. On vous ridiculise. On vous moque sur le campus. Et les étudiants, on vous le présente comme étant l'échantillon du contre-exemple à suivre. Vous voyez le papa là, sur le campus de l'université de Douala, combien d'intellectuels ont été mis en minorité à cause de leur posture de rupture. Je ne peux pas en vouloir au fait que la politique néocoloniale ait pris le dessus à l'université. Mais je peux me fâcher, je comprends la difficulté de beaucoup. C'est que ceux qui devaient porter le flambeau, les intellectuels, ont abandonné leur mission. Ils ont préféré le confort, comme disait mon frère aîné, le pasteur Fanga. Ils ont préféré le confort des conversations sur l'accessoire. J'ai fait mes études à Sorbonne. Quand je buvais du Bordeaux dans une ville française. Quand j'étais dans les boîtes de nuit avec les fillons. Oh, je connais Sarkozy. C'était un camarade de plus, c'était un copromotionnaire de fac. Je vais bénéficier de quelques passe-droits de sa part. Je vais demander des marchés publics. Voilà comment s'est construit le tiers-monde et les relations informelles d'assujettissement de l'Afrique. Mais Afrique Média n'a pas joué le jeu du débat périphérique. Afrique Média a posé le problème là où d'autres l'avaient déjà posé. La question de la dépendance de l'Afrique et du néocolonialisme qui, à outrance, hypothèque l'avenir du continent. Et dans cette bataille des hommes, parce que j'aime bien cette appellation, et je vais dire, c'est en discutant avec mon frère, il a travaillé ici avec vous, c'était votre collègue, mon frère Ngos, Steve Josselin, il a dit quelque chose, il m'a dit quelque chose qui serait bien de répéter ici. Le professeur Mbeleka a rendu hommage au professeur Kalala Mutundi. Et Ngos, Steve Josselin, dit souvent, ce sont des prophètes. Les panafricanistes, ils disent, ce n'est pas une catégorie comme les autres, c'est les prophètes de l'Afrique. Ne vous étonnez pas que ce soit parmi ceux qui étaient le moins aimés, les moins estimés, que se trouvent les meilleurs combattants. Parce que cette mission-là a un autre aura. Et c'est cette aura qui a porté ce combat. La réussite de ce combat n'est pas seulement le fait des connaissances. C'est qu'il y a une caste, il y a des individus qui sont venus et qui ont pris ce combat parce qu'il était inscrit en eux. Et ils l'ont porté. Et c'est ce qu'ils font tous les jours. Et nous rendons hommage à tous ceux qui ont commencé le combat, tous ceux qui l'ont initié. Et regardons comment ça a commencé. C'était Laurent Gbagbo qui venait à la télé, on disait, le président là, il a agité. Hein. Tous les jours, il vient trahir, il vient dire tout ce qu'il... Justement, à l'époque, c'était... Oui, voilà. Il était le seul. Tout à fait. Le président Laurent Koudou Gbagbo, il faut lui rendre hommage. Il venait, il dénonçait. Il disait vraiment, l'autre jour, voilà ce qu'on m'a proposé. Moi, je pense que c'est comme ça que les choses doivent se passer. J'ai fait ci avec mes frères africains, voilà ce qu'ils ont fait. Il a dit, ah, ça c'est le mouton noir de la bergerie. Il faut qu'on le chasse du pouvoir. Mais voilà. Le président Laurent Koudou Gbagbo est encore vivant. Et il voit son combat qui a pris forme dans Afrique Média. À l'époque, la Côte d'Ivoire n'avait pas ce genre de médias. Bien sûr. Mais Afrique Média a repris le combat. À son compte. Et Afrique Média est monté un cran au-dessus. Et qu'est-ce qu'Afrique Média a fait? Le State Department ne se fâche pas parce que nous avons fait partir la France. Non. Qu'est-ce qu'on reproche donc à Afrique Média? Depuis qu'ils ont vu Success Masra échouer, au Tchad. Ils ont compris. Depuis qu'ils ont vu Success Mastera, mais bien plus, bien avant, depuis qu'ils ont vu Abiy Ahmed, le premier ministre, gagner la guerre contre les Tigréens, qui était directement soutenu par la CIA. Par les États-Unis, ouais. Ils ont vu nos analyses sur les Al-Shabaab. Ils ont compris que les vrais adversaires désormais, c'est ceux-là. C'est clair. La CIA sait qu'on a mis le pied dans le plat. Nous avons jeté un pavé dans la mare. Et quand ils voient les conséquences, ils disent, ah, avec Mastera, ça ne marche pas. Mais ils voient, les Congolais sont dans la rue. Ah. Les Congolais disent à la MINUS, à la MONUSCO, quittez notre territoire. Ils se disent, ça devient inquiétant. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est le sang de l'impérialisme occidental. C'est le sang, c'est le moteur de la dynamique des États-Unis. Le Congo tombe panafricaniste, les États-Unis chutent dans ce monde. Ils en sont conscients. C'est pourquoi nous allons appeler nos frères congolais et nos frères de partout en Afrique. Ne vous laissez pas intimider. Nous ne serons pas intimidés. Les États-Unis ne font peur à personne. Nous allons nous battre. Frères congolais, continuez votre combat. Chassez la MONUSCO. Arrêtez la coopération avec les États-Unis. Vous devez continuer ce combat. Nous devons gagner ce combat. Les États-Unis croient que c'est à force d'intimidation qu'ils réussiront. Ils s'attaquent à nous. Mais ils n'ont qu'à se souvenir. La France, avant, c'était le Drian qui faisait des menaces. Il a même apporté de l'argent. C'est mon père Décimo qui nous a raconté l'histoire parce qu'il était... Le jour où l'ambassadeur de France est venu avec, c'est combien de millions, papa Simon? Vraiment beaucoup de millions. Les papiers ne se passent pas. Il avait apparemment les mallettes. On ne savait pas que quelqu'un peut avoir autant d'euros. Et il venait. Hein. Peut-être on allait être stipendié par la France. Hein. Et Macron, il a eu honte qu'on a refusé son argent. Bien sûr. Il s'en va dire c'est les Russes qui nous donnent. Du moins, nous, on n'a pas encore perçu nos roues. On n'en a même pas besoin. Si ça se distribue après les débats, bon, que ce soit, au moins, ça nous donne nos roues. Moi, au moins, j'ai besoin de ces roues. Donc, les Français ont essayé de détruire le combat d'Afrique Média. Ils se sont cassés la figure. Plus d'une fois, d'ailleurs. Plus d'une fois. Ils ont même utilisé... en Afrique, on ne regarde pas trop. En Afrique franco, on ne regarde pas trop CNN. Peut-être en Afrique anglophone, on regarde CNN. Ils ont essayé d'utiliser Jeune Afrique, qui était la bible de l'intelligence et de l'élite africaine francophone. Ils ont utilisé tous les moyens. Tous les moyens. Quand ils ont même amené la Bible, elle a été désacralisée. C'est-à-dire, Jeune Afrique, aujourd'hui, c'est le chiffon. Moi, j'ai vu une maman emballer les beignets avec les morceaux de Jeune Afrique. Ça, et vous savez que les pauvres ne peuvent pas avoir Jeune Afrique. Maman qui emballe les beignets, ça veut dire que quelqu'un a dû aller lui donner son stock de Jeune Afrique pour dire, maman, ça ne m'est plus utile, tu peux servir les beignets maintenant avec. Donc voilà, cette Bible a été désacralisée. Ça veut dire que les États-Unis s'attaquent à une force. Retenez bien, je n'ai pas dit que ce combat c'est intellectuel. Ils s'attaquent à une force qui va bien au-delà de ce à quoi ils s'imaginent. Et les États-Unis vont tomber. Il y a un chercheur états-unien qui est venu, un philosophe, en 2008. Et je crois que beaucoup de copromotionnaires, d'ailleurs un professeur que vous connaissez bien, professeur Mbele, professeur d'Isaké Malolo, était avec lui, c'était à cette conférence, il nous disait, les États-Unis vont connaître leur déclin, mais il y a un seul peuple qui pourra assurer la relève, c'est le peuple africain. Je crois que les États-Unis eux-mêmes n'écoutent pas leurs intellectuels. S'ils les écoutaient, ils comprendraient que ce qui se passe est délicat. Nous assistons à un changement de paradigme, à un retournement historique de la géopolitique mondiale, où l'Afrique va jouer son rôle historique, celui qu'il a toujours eu. Et comme le professeur Kalala nous a appris, c'est à Kemet que tout a commencé. Et le professeur Mbelek aime souvent le répéter, c'est Kemet, notre base. Et si Kemet a régné dans ce monde, le temps de l'Afrique a sonné. D'accord. Merci à vous, Jonathan Batenguine. Pour ce bel je vous donne la parole, pardon, pour ce fait d'actualité. On peut rapidement y voir, en tout cas dans cette démarche états-unienne, une posture quand même d'un État qui est ivre, on va dire, de son pouvoir, qui peut se lever un matin et intimider de l'ordre à tout va, à tout un continent, parce qu'à côté d'Afrique, mais on l'a dit, plusieurs leaders panafricanistes qui sont également indexés, Nathalie Yam, mais surtout aussi Kémi Séba. Va-t-on croire finalement qu'il n'y a plus de liberté d'expression, professeur Jean-Paul Bellet? Ce sont des gens qui sont contre la liberté d'expression. Voyez-vous, dans un pays comme la France, plus de 90% de la presse écrite, télévisuelle, tout ça, sauf Internet, est monopolisée par moins de 9 personnes. Les gens qui ont beaucoup d'argent, quoi. Donc Bolloré. Et vous savez, il y a eu dernièrement un scandale sur une des chaînes de Bolloré, C8. Canal 8, C8 en abrégé, où il y a un député LFI, la France Insoumise, du nom de Boyard, qui était d'ailleurs un ancien chroniqueur lui-même, mais il a été élu député. Et il vient maintenant sur le plateau et il commence à dénoncer Bolloré. Et il cite du Cameroun. Il dit qu'il y a 150 Camerounais qui ont porté plainte contre Bolloré. Et comment Bolloré a confisqué la liberté d'expression dans la presse et tout là. Et comment Bolloré s'enrichit en Afrique, il vole les Africains. Et le présentateur lui dit, tu te calmes. Il commence à l'insulter, à l'agresser, quoi. Ça a duré plus de 2 heures. Mais après, même quand le député est parti, parce qu'ils ont continué à l'insulter. Il a dit on ne mord pas la main qui te nourrit. C'est le présentateur qui dit ça. Il n'est pas question d'insulter Bolloré, ou même pas d'insulter, de reprocher quoi que ce soit. De reprocher quoi que ce soit à Bolloré. Parce que la chaîne appartient à Bolloré et que c'est Bolloré qui le nourrit. Il a même été ce qu'a dit des bêtises du genre que si le gars a été élu, quoi, Boyard, c'est parce que il est venu là. Attends, mais le député lui répond quoi. Est-ce que toi tu as voté pour moi? Ça, c'est les gens qui votent. Ils sont contre la démo. Et c'est la démocratie existe. La démo quoi? La démocratie. La démocratie, c'est bon. Est-ce que ça existe? Bon, moi, je vous dis une chose. Hein. C'est pas un secret, j'ai déjà dit. Moi, je suis contre la démocratie. C'est pas que je trouve qu'elle est mauvaise. Hein. Je suis même contre. Moi, je suis contre la démocratie. J'y ai réfléchi. Je l'ai trouvé dans tous les sens. J'ai été voir les anciens Grecs. J'ai lu leurs textes. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils même disent que c'est la corruption, une dépravation des mœurs, tricherie. Et il n'y a jamais eu de démocratie réellement. Avec ta permission, je voulais rappeler que si la démocratie existait, on ne l'aurait jamais amenée en Afrique. C'est ça. Est-ce qu'on a. Donc, c'est seulement un seul pays au monde où on a conservé la démocratie. Est-ce que dans les sociétés françaises, au Cameroun, il y a la démocratie? Non. Alors, on l'applique dans où? Je voulais qu'on me dise. C'était une parenthèse. Ça reste finalement qu'une vue de l'esprit pour Serbelle. C'est vrai qu'il disait même que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. À son temps, hein, avant qu'une fois qu'elle a quitté le pouvoir, ils reviennent sur beaucoup de choses. Mais donc moi je ne suis pas pour la démocratie. Pourquoi? Parce que, vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez comparer? La plus longue expérience humaine, elle est en Afrique. La plus longue histoire tout court est en Afrique. La plus longue histoire de n'importe quoi que vous voulez, c'est en Afrique. Il faudrait bien qu'on reprenne les balbutiements. C'est en Afrique. Donc, entre plus de 200 000 ans et ça peut avoisiner les 300 000 ans d'histoire. Mais si vous prenez l'Europe, ils disent jeune Afrique. Quelle jeune Afrique est jeune? C'est un continent jeune. Soit ils sont tous formés le même jour. Avec la dérive des continents. Avec cette fameuse Gondwana, des continents. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Alors, et ils disent la vieille Europe. Quelle vieille Europe? Les Européens, là, blancs, d'aspect blanche. Je ne parle pas des Européens de tout temps, puisqu'on sait que l'homme du Shédar était un noir. Pas des choses qu'Alain Moutoudé insistait beaucoup là-dessus. Voilà. Mais les hommes d'apparence blanche ne sont même pas nés en Europe. Et puis, ça remonte à moins de... Combien d'années, là? 8000 ans. En Europe même, c'est moins de 6000 ans. L'Europe, là, occidentale, là, il y a des blancs, là, aujourd'hui, là. Des gens qui croient que blanc veut dire quelque chose. Mais qu'est-ce que 6000 ans, même, vous sont plus loin, au balbutiement, au début, qu'est-ce que 8000 ans d'une population blanche peut dire à 300 000 ans de population noire de par le monde entier? Vous voyez ce que je veux dire? Zéro. Je vais dire ça en bas, ça, comme ça, c'est clair. Yundi Mankoup, Dimbonki, Kukumba. Qu'est-ce que la couleur d'un petit poussin peut faire à un épervier? ou un faucon, ou à quelques volatiles rapaces de ce genre. Rien. Eh bien, vous savez qui est le faucon dans l'histoire, qui est l'épervier? C'est pas l'Europe, hein. Parce que je vous ai montré tout à l'heure que leur bombe atomique, c'est zéro. Bon, bah, elle a chanté la chanson. Il ne faut pas avoir peur de l'énergie atomique. Parce que personne ne peut arrêter le temps. Bon, parlez dans Redemption Song. Bon, alors, non, ce n'est pas eux le faucon. Le faucon, c'est nous les Africains. Parce que le faucon veut dire la troisième dimension. C'est nous qui planons haut. Eux, ils sont très bas. C'est pour ça que c'est des criminels, des assassins, des tueurs, des menteurs. Et tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est la question. Afrique Média, on l'a dit ici, a commencé le combat médiatique et l'a porté au sommet. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire une chose. Il y a des gens qui... Moi, l'Africain qui est dans les contradictions, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit mathématique, je le redis, hein, c'est un endocolon potentiel. S'il n'est pas endocolon, on doit se méfier de lui, parce qu'il peut l'être un jour. C'est que ça ne s'est pas encore révélé chez lui. Un Africain digne de ce nom est mathématique. Et il fait tout pour rester sous le sillage des mathématiques. C'est-à-dire que dans sa vie de tous les jours, il doit appliquer les mathématiques. Parce que les mathématiques, dans la vie, on l'a codifié. C'est ça le principe de Mahat. Quiconque applique Mahat dans sa vie, fait les mathématiques. Respecter les principes de Mahat. Parce que tu dois raisonner, tu dois faire des choix judicieux, exacts, harmonieux même. Tu ne vas pas créer le désordre. Donc il y a un ordre à respecter. Eh bien, c'est faire Mahat, c'est faire les mathématiques dans la vie et pour la vie. Alors maintenant, ces gens-là qui remettent en cause Afrique Média, j'ai dit une chose, hein. C'est les mêmes gens qui disent qu'il y a la dictature au Cameroun et que Paul Biya est un dictateur. C'est les mêmes gens qui encensent Alassane Ouattara. Est-ce qu'il y a un exemple d'Afrique Média en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce qu'il y a un média, la statue d'Afrique Média en Côte d'Ivoire? Jamais. Mais n'est-ce pas, Ouattara est le parangon de la démocratie en Afrique. Bon, autre chose. Ok, Paul Biya est le modèle des dictateurs, n'est-ce pas? Paul Biya a la... Il y en a même qui vont jusqu'à dire que Paul Biya a la solde des Français. Oui. Les gens de MRC, là. Revenons sur le Cameroun. Les gens de MRC, là. Les plus virulents et MRCistes. C'est pour ça un parti comme ça. Moi, d'abord, je ne suis dans aucun parti. Mais s'il fallait être dans un parti, ce n'est pas dans celui-là que j'irais. Hein. Je les trouve très imbéciles. Au sens latin du terme. Hein. C'est-à-dire que leur réflexion est très limitée. Ils ne montent pas haut. Pourquoi? Voilà un exemple. Ok, Paul Biya est un dictateur. Hypothèse de travail, on va voir si ça tient. N'est-ce pas? Paul Biya est un homme de la France-Afrique. Paul Biya est même l'homme sous qui reçoit les ordres de Macron, le meur élève. N'est-ce pas? Mais pourquoi il héberge Afrique Média, au fait, puisque la France n'aime pas ça? Puisque c'est le premier dynamiteur de l'Occident. C'est même maintenant les États-Unis. Mais Afrique Média n'a même pas existé. Vous savez que oui, vous voyez pas la contradiction. Donc c'est pour ça ils sont minables, ces gens. Je dis qu'ils sont des imbéciles. C'est-à-dire que c'est pas une insulte, hein, au sens certain du terme. C'est que c'est juste qu'ils ne peuvent pas raisonner au-delà d'un certain niveau. C'est seulement la barre des pâquerettes là. Si tu veux faire des décisions de salon de quartier, ok. Mais si tu veux aller plus haut, ils peuvent pas suivre. Parce que la contradiction est vite venue là. C'est pas fini. Ok. J'ai dit une chose, mettons qu'il en est ainsi, mettons qu'il en soit quand même ainsi, ok? Historiquement, ce serait faux. Par exemple, si les gens ne le savent pas, Simon Dié est là, Fanga est là, pour dire ce qui était fréquenté déjà la chaîne avant que les gens comme moi arrivent, avant que Tobi Mti soit là, avant que Batengene soit là, puisque moi j'étais déjà là avant vous deux. Mais les deux anciens ici sur le plateau, il y a Simon Dié et il y a Fanga. Bon, alors. En 2015, quand même, moi, j'ai assisté à la fermeture d'Afrique Média. Hein? Non seulement les gens en Dogbon là ont bloqué la police, et la police suppliait, même s'il vous plaît, laissez-nous, on a dit de faire le travail. Mais vous savez très bien que la chaîne n'était pas fermée, en vrai, en réalité. Non, elle n'était pas fermée. Elle n'a jamais été fermée. Je ne vais pas en dire plus. Et puis, quand maintenant, officiellement, il a fallu l'ouvrir, officiellement. Combien de fois Issa Tchiroma, ayant eu l'ordre... Enfin, ayant eu le, on va dire ordre. C'est-à-dire que le président lui a demandé. Oui, c'est. Bon, l'ordre. Les instructions. Instructions, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Ayant eu les instructions du chef d'État, de rouvrir officiellement, parce qu'officieusement, de rouvrir officiellement Afrique Média au bout d'un an, n'est-ce pas? Et ça, tu remarques plusieurs fois. Mais c'est Peter Osoka qui déjeunait chez l'ambassadrice de France de l'époque, qui faisait l'imbécile cette fois-ci. D'ailleurs, c'est lui qui a pris la décision de fermer. Or, qui était dans l'illégalité? Vous voyez les premiers, ces gens-là qui n'arrêtent pas de plastronner là, comme ça, là, on ne sait même pas pourquoi. C'est eux les aboyeurs. Okay? Peter Essoka n'était pas élu, n'a jamais été élu au CNC. Peter Essoka, d'après Simon, tu peux confirmer? Il a été nommé parce qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé. Bien sûr. Et il n'y a jamais eu l'élection. Jusqu'à ça, parce qu'il part, il n'y a jamais eu d'élection. Et c'est lui qui est monté sur ses grands chevaux et a entamé cette collaboration avec qui, l'ambassadeur des États-Unis, surtout l'ambassadrice de France. Non, c'est que l'ambassadeur de France l'a approché, lui a proposé de l'argent et puis il est tombé dans le piège. Il a accepté. Alors qu'il n'avait aucune légalité, lui, à faire ce qu'il faisait. Et quand on lui donne des injonctions, rouvre la chaîne, ce monsieur, il se refuse. Finalement, elle a été rouverte. Donc, tout ce que je dis là démontre quoi? Que l'Occident est antidémocratique, même si la démocratie, on pouvait essayer de l'appliquer, mais vous voyez qu'elle ne s'appliquera jamais pour des raisons de corruption. Parce qu'un système de représentativité n'est pas un système valable. Un homme représente un autre homme, ça veut dire qu'il y en a un qui n'est pas un vrai homme. Donc, nous, on a un principe qu'on appelle Ma'at, Ma'atocratie, ou Ousser Ma'at. Comme ça, on est 100% égyptien, Ousser Ma'at. C'est quoi? C'est que c'est un principe que nous suivons, ce n'est pas un homme. Tout le monde est obligé de suivre le principe. Et pour que ça marche, et c'est là que ça a commencé à coincer en Afrique, il faudrait revoir l'histoire. Pour que ça marche, ce principe-là, en Afrique, parce que c'est ça la panacée, en fait, en tout cas pour nous, les Africains, on impose rien aux autres. Il faut les mathématiques. Ah, oui, je veux dire mathématiques. Pour que ça marche, il faut que chaque citoyen ait un minimum d'esprit et de pratique des mathématiques. Pourquoi? Parce que quand une chose sera juste, ce n'est pas par un vote de majorité qu'on doit dire que c'est ça. On doit pouvoir avoir raison seul contre tous. Et pour cela, il faut que tout le monde soit capable de reconnaître le niveau, de dire que oui, c'est ça. C'est ça, c'est celui qui a raison. Même si ça prend 10 heures de palabre africaine, d'où la palabre africaine? Au bout de 10 heures là, comme chacun a un niveau minimal, parce que le niveau minimal, c'est ça qui fait que tu atteins la maturité, tu es un homme, tu peux participer aux assemblées. Et tout le monde doit atteindre ce niveau, à un certain âge. Quand tu atteins ce niveau, tu as la capacité de raisonner bien, correctement, d'après le principe de Ma'at. Et donc, rien ne va t'échapper. Si c'est la donnée que tu n'as pas, parce que c'est très technique, on va donner l'information, tu vas la voir. Et tu peux juger. C'est pour cela qu'on pourrait arriver à l'unanimité. On cherchait le consensus, mais c'est impossible si on baisse le niveau. Or, vous savez encore, j'ai lu encore dans la presse il n'y a pas longtemps, que le niveau des mathématiques est en train de baisser en France. Eux-mêmes se désolent de cela. Et ils n'arrêtent pas de baisser le niveau même des programmes scolaires en mathématiques. Pourquoi? Donc, parce qu'ils ne veulent pas que la population comprenne où est-ce qu'on les emmène. On les emmène à l'abattoir, il ne faut pas qu'ils comprennent. Ils sont en train d'aboutir leur population. Là où Afrique Média fait la pédagogie, on est en train de cultiver la population, le niveau monte. Et c'est pour cela qu'ils ne pourront pas nous vaincre. Alors maintenant, je vais sortir sur les personnalités que vous avez citées, puisque j'ai parlé de la chaîne. Tout à fait. Alors, Kémi Séba et Nathalie Yam, ça c'est pour détourner l'attention. Je leur enlève rien, mais c'est pour détourner l'attention. Faire croire que ces deux figures sont suffisantes pour orienter le panafricanisme, non. Ça, si c'est ça, ok, tant mieux, c'est qu'ils n'ont rien compris. La population ne suit pas les figures. La population suit parce qu'elle est éduquée et qu'elle peut raisonner. Au niveau des mathématiques, est suffisant. Elle ne suit pas deux figures. Vous comprenez? Alors, eux, ils veulent croire, parce qu'ils continuent à croire que nous sommes sous la France. En tout cas, c'est tant mieux pour nous s'ils continuent effectivement à se porter dans la mathématique. Oui, parce qu'ils pensent que nous sommes sous la France. Ils pensent que la souffrance, comme on souffre, donc on est sous. C'est-à-dire que comme eux, ils sont des imbéciles, donc ils pensent que l'imbécilité s'applique à nos peuples. Ça ne s'applique pas. D'accord. Voilà. Tant mieux pour nous s'ils continuent davantage à se tromper autour de leur casting. Toujours est-il que rien ni personne n'arrêtera Afrique Média, même si par hasard, passez-moi l'expression Afrique Média venant s'arrêter. Il y a plusieurs Afrique Média qui sont naissants aujourd'hui. Alors, monsieur Simon D, je vous donne la parole et la question, je la veux toute simple. De quoi a-t-on finalement peur du côté des États-Unis? Que redoute l'État américain? C'est que les États-Unis étant en train de perdre tout ce qu'ils avaient comme richesse, comme pouvoir dans le monde entier, se rendent compte maintenant que c'est Afrique Média qui est à la base de tous leurs problèmes. Ce que dit, je l'assume. Parce que quand vous voyez, ils sont venus en Afrique imposer à travers la France ce qu'ils appellent la démocratie. Or, Afrique Média, dans tous les débats, ont démontré que la démocratie n'avait pas de sens. Parce que quand quelque chose est bien, les gens ne vous l'imposent pas. C'est vous qui allez vers cette chose. Je prends un cas simple. On a au Cameroun plein de sociétés occidentales, comme les brasseries, sans publicité. Restons à ce niveau pour ne pas le faire de publicité. Oui, non, ce n'est pas de la publicité. Mm-hmm. Je dis, quand on parle de démocratie, ouais, aller dans une entreprise, imposer la démocratie, quand on voit comment ça va fonctionner. On montre moi une seule entreprise où on applique la démocratie, qu'on veut absolument appliquer au Cameroun. Aller dans une famille, implanter la démocratie. Et voir comment les familles vont fonctionner. Je voulais seulement dire une chose. Les gens ont seulement vu le travail fait par Afrique Média et ont pris peur. Et ont mis en place tous les moyens pour empêcher Afrique Média d'exister. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu et ils ne resteront jamais. Au contraire, du jour au lendemain, il y a plein d'Afrique Média qui renaissent et font des relais de retransformation de l'information et de la rééducation du peuple africain. Ce qui fait que ça pose un certain nombre de problèmes dans le monde entier. Les Africains sont en train de prendre conscience de ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent être. Parce que ce sont eux qui sont sur le toit du monde et non le contraire. On a fait du peuple africain les marche-pieds de tout le monde entier. Et c'est Afrique Média qui a dénoué ce banditisme organisé qui faisait en sorte que les Africains étaient des marginalisés, des gens qu'on délaissait pour compte des suppliés de tout le monde. Ce qui fait que ça pose des problèmes à tous ces gens qui étaient à la tête, à des lobbies qui étaient à la tête des États-Unis, de la France, de ce que vous appelez l'OTAN. Aujourd'hui, ils sont en divagation parce qu'ils n'arrivent plus à s'entendre sur les bases comme avant. On a réussi à les fragiliser complètement à travers les débats. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est Afrique Média qui est au cœur de cette histoire. Ils n'avaient jamais vu venir. On a parlé du président Barbeau, Laurent, qui, pendant qu'il était à la CPI, il y a eu en permanence des débats sur Afrique Média. Ça a fragilisé complètement tout le petit complot qu'ils avaient mis en place. Ce qui fait qu'ils se rendent compte que, finalement, ils ont ouvert un boulevard où Afrique Média s'est mis dessus pour libérer le peuple africain et conscientiser le peuple noir du monde entier. La preuve, notre frère qui est mort, c'est à travers Afrique Média qu'il a compris beaucoup de choses. Kémy Séba, c'est à travers Afrique Média. Beaucoup, la plupart sont passés par Afrique Média. Donc c'est une richesse inestimable pour la culture et la conscientisation du peuple africain. D'accord. Donc c'est vraiment le lieu ici de remercier tous ceux qui sont passés par Afrique Média, tous les techniciens, tous les panélistes, parce que c'était des sacrifices énormes qu'on a pu faire pour libérer l'Afrique. Et je suis heureux d'appartenir, moi, l'indigène, d'appartenir au moins à ce petit milieu. Par la Sorbonne, encore moins Moi je suis un indigène qui n'aime pas évoluer. Donc vraiment, je suis très heureux d'avoir appartenu à ce petit groupe qui a réussi à faire en sorte que l'Afrique soit conscientisée. Merci à vous, monsieur Simondé. Alors, André Kisséfanga, je voudrais vraiment que l'on essaie d'apprécier à sa juste valeur cette démarche du département américain qui voudrait au premier chef, si l'on peut s'arrêter en tout cas sur la démarche états-unienne, penser qu'ils veulent absolument s'opposer au chemin de pensée impulsé par Afrique Média, qui voudrait véritablement que les Africains puissent se considérer comme tels, que les populations du monde entier puissent véritablement se considérer comme tels. Mais seulement dans le dossier de fond qui revient autour de cette démarche américaine, il y a une question d'intérêt qui revient et qui revient encore, comme quoi Afrique Média serait en train aujourd'hui de permettre davantage à la Russie, je l'ai dit dans mes propos liminaires tout à l'heure, de mieux s'installer sur le continent africain afin de pouvoir mieux se servir du sol et du sous-sol du continent africain. Quand on a évoqué ce fait qui est longuement retracé et souligné d'ailleurs en trait dans ce rapport, on comprend fièrement, peut-être pas fièrement, on comprend clairement que la démarche américaine n'est pas tant qu'elle veuille absolument s'opposer au chemin de pensée qui est plus ou moins poussé par Afrique Média, mais c'est une question d'intérêt finalement, puisque ce sont lésés, écartés définitivement ou alors décidément des grands marchés sur le continent africain. Merci aux précédents panélistes qui ont pris la parole et qui ont dit des choses extrêmement importantes. Le département d'État américain est comme le cœur du système américain. Et c'est même le cœur du système. C'est là-bas où la plupart des décisions se prennent. Et quand vous voyez tout un département d'État américain prendre une décision, ça veut dire que vous avez touché le cœur du système des États-Unis. Parce que c'est là-bas où les décisions se prennent de qui doit conduire les États-Unis, quelle est la politique américaine à appliquer dans le monde et même ses rapports avec le reste du monde. Donc si vous voyez ce département d'État s'intéresser à un média d'un pays très lointain, ça veut dire que nous avons traversé des territoires, des frontières pour entrer directement dans le cœur du système américain. En fait, c'est comme si Afrique Média était ce tireur d'élite qui atteint sa cible. Je répète encore. Afrique Média est comme ce tireur d'élite qui a atteint le cœur de sa cible. Et le cœur de la cible de la malgouvernance mondiale, c'est les États-Unis. Donc, peut-on croire dire que les États-Unis sont en débandade finalement? Mais si vous avez atteint le cœur, ça veut dire que tous les vaisseaux sanguins sont en ébullition. N'est-ce pas? Le sang en train de jaillir un peu de partout. C'est pour ça que cette débandade-là, c'est pour ça que le Yank est dans toutes ses états. Le Yank a perdu. Vous voyez, quand une flèche indienne, vous vous rappelez des films western, n'est-ce pas? Où on voyait toujours le grand Yankee, le grand cowboy avec ses deux pistolets et l'Indien qui avait sa flèche ou sa lance. Et quand l'Indien réussissait à toucher le cœur du Yankee, c'était la débandade totale dans le camp des Yankees ou des Western, donc des cowboys. Donc aujourd'hui, ce qu'Afrique Média a fait en si peu de temps, déconstruire un système bien huilé pendant des millénaires, des milliers d'années, alors là, il faut être africain, il faut être Afrique Média pour le faire. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit ici que ce n'est pas une affaire seulement de communication d'intellectuels. Il y a quelque chose qui est au-delà de la communication, au-delà. Il y a un esprit qui va avec. Je crois que c'est Jonathan Batengue. Donc il y a quelque chose de largement supérieur à la communication, largement supérieur à la stratégie, à la géostratégie, à la politique qui conduit ce combat et qui conduit Afrique Média. Parce que s'il fallait aller regarder en arrière tous les soubresauts, tout ce que Afrique Média a traversé, je suis sûr que ce média ne sera pas debout jusqu'à présent. Mais, comme ça ne tient pas sur les moyens financiers, ça ne tient pas sur les moyens intellectuels, ça ne tient pas sur les moyens humains, ça ne tient pas parce qu'on a tout eu. Il y a même ceux qui sont passés par ici, qui sont devenus les profondeurs d'Afrique Média. Tout à fait. Il y a ceux qui ont eu leur aura au travers de ce média, qui sont devenus les destructeurs de ce média. Tout à fait, tout à fait. Mais même jusque-là, Afrique Média est debout. Merci. Donc, pour dire que ce n'est pas une affaire que les États-Unis peuvent porter comme ça avec une seule main. Non. C'est une affaire qu'ils doivent revoir leur copie. Et c'est pour ça que je crois que quelqu'un l'a dit, ils ne sont pas assez intelligents. Je crois que c'est professeur Mbelek. Parce que s'ils étaient assez intelligents, ils allaient comprendre que même cette affaire qui crée tant d'émulation, qui crée tant de dégâts dans le camp de l'adversaire, dans notre camp, comment s'est constitué? Qu'est-ce qui fait leur force? Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les tentatives qu'ils n'ont pas essayées? Ils ont tenté d'assassiner même des hommes et des femmes d'Afrique Média. Ils ont tenté de corrompre. Ils ont tenté toutes les méthodes. D'ailleurs même, ils ont même envoyé des agents secrets femmes, tenter certains, pour essayer de les détourner. Bon, ceux qui étaient les plus faibles ont pris un peu d'argent et ils sont partis. Ils se sont reconvertis aujourd'hui en activistes un peu de partout. Et dans les réseaux sociaux. Ils sont partis. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le cheminement d'Afrique Média, ce n'est plus seulement une affaire de personnes. Ce n'est plus une affaire d'individus. C'est devenu une âme. C'est devenu quelque chose qu'on ne peut pas dissoudre. jusqu'à ce que le combat puisse véritablement être gagné. Et le département américain se trompe de méthode. Parce que ce n'est plus à l'époque où, quand les États-Unis toussaient, le monde tremblait. Mais écoutez, si la Russie, aujourd'hui qui comprend mieux les enjeux du monde ou bien les enjeux des peuples africains, s'associe, parce qu'il faut le dire clairement, ce n'est pas la Russie qui nous a mis dans ce combat. Ce n'est pas la Russie qui nous paye pour être ou bien pour défendre les positions de la Russie ou bien la pensée russe ou bien de Vladimir Poutine ou bien du Kremlin. Non. Et là, je crois que le professeur Mbele l'a remarqué tout à l'heure. L'Afrique est bien au-dessus. Je crois que la Russie comprend effectivement l'urgence et l'opportunité géopolitique aujourd'hui d'avoir l'Afrique comme un véritable allié pour tenter de donner un coup fatal au camp d'en face. Nous avons engagé notre combat. Tout à fait. Nos aïeux ont engagé leur combat. Mmh. Et à l'époque de Kwame Nkrumah, on ne parlait pas de la Russie. Aujourd'hui, la Russie a compris que voici un peuple qu'on a volé leur victoire. On a volé leurs ressources. On a volé leurs ressources humaines même. On a tout volé. Comme eux aussi, la Russie, on leur avait volé leur victoire. Parce que les États-Unis, et Poutine leur rappelle ça tous les jours, ceux qui se sont autoproclamés vainqueurs de la guerre. Tout à fait. La seconde. Alors qu'ils n'ont rien investi. Parce que la plus grande nation qui a perdu des hommes à la Seconde Guerre mondiale, c'était la Russie. Ouais. Donc, c'est la Russie qui a bataillé Dieu pour que, contre le nazisme, et c'est cette guerre contre le nazisme encore que la Russie continue aujourd'hui. Et nous, les Africains, nous sommes en quête de liberté. Nous sommes en quête de notre souveraineté, en quête de notre vraie indépendance. Alors, un peuple qui est en quête de sa victoire volée et un peuple qui est en quête de sa souveraineté, se trouve qu'ils ont des intérêts communs. Alors, comme on a les intérêts communs, je pense que Afrique Média est la voix de l'Afrique, de toute l'Afrique en profondeur, de la vraie Afrique, qui a imposé un débat qui n'a rien à voir avec les débats périphériques, mon ami Jonathan. Les batailles de survie, de vie et de liberté. Tout à fait. Est l'essentiel. Je pense que tout homme aspire à la liberté. Ouais. Même les États-Unis aspirent à la liberté. Les Américains, n'est-ce pas? Même les Français aspirent à la liberté. Tous les peuples de la Terre aspirent à la liberté. Donc, vous n'allez pas nous reprocher. Vous n'allez pas reprocher à Afrique Média d'avoir compris les enjeux, d'avoir décelé où était le problème du monde ou bien de l'Africain et de lui présenter comme, mais mon frère, ton problème ce n'est pas la malgouvernance. D'ailleurs, tu gouvernes avec un logiciel, américain, avec un logiciel français. Ouais. C'est-à-dire des parchemins qu'on t'a donnés. En économie, voici comment ça se passe. Mais allez demander à Photo Victor s'il était à Harvard avant de construire tout ce qu'il a construit. Ou bien dans une école de commerce. D'ailleurs même, je vous raconte une autre anecdote. Un papa, un richissime homme d'affaires de l'Ouest qui venait de mourir. Il a envoyé son enfant faire de très grandes études de commerce à l'extérieur. Et quand il est revenu, il lui a remis les clés de toutes ses entreprises. Que bon, maintenant tu es allé apprendre le commerce, le vrai commerce. Donc maintenant, mes affaires vont se multiplier. Parce que moi, je faisais avec l'intelligence du village. Je faisais avec la sagesse que mes grands-parents, mes parents m'ont apprise, n'est-ce pas? C'est-à-dire le réel. Toi qui allais apprendre le commerce, alors voici les clés. Je sais que d'ici quelques temps, notre commerce va devenir vraiment quelque chose. Vous savez ce que cet enfant a fait? Dites-le. Première des choses, il a pris lui-même une suite comme dans un hôtel de son papa là. Il a pris une suite qu'il a condamnée lui-même. Donc c'est-à-dire cette suite n'était plus utile pour vendre. Lui-même habitait déjà la suite. Et chaque jour, un champagne montait dans la suite, sans compter le défilé qui se passait. Tout à fait. Et les gens ont commencé à se plaindre des problèmes de nettoyage dans une des entreprises. Problème de facture, problème de ceci. Mais un jour, il appelle alors son fils, il dit, mais tu es parti apprendre quoi en Angleterre? Il dit, j'ai fait de hautes études de commerce et tout. Il dit, mais normalement, notre commerce devait devenir plus gros comme ça, non? N'est-ce pas? Devait plutôt devenir un empire. Mais comment il commence à voir, hier, il n'y avait pas de problème d'électricité, de factures non payées, il n'y avait pas de problème de ceci, il n'y avait pas de. Maintenant, ça commence à se faire ressentir sur ta gestion. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et on lui a encore, on l'a encore observé 2 ans. Et finalement, l'entreprise avait chuté. Le père lui a repris les clés. Il a dit que donne-moi. Va avec tes diplômes de commerce. Moi, je vais faire le commerce comme je l'ai appris selon mes parents. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que aujourd'hui, Afrique Média a allé percer le cœur du mystère. Le cœur du mystère, c'est que on ne pouvait pas avoir accès à cette connaissance. La connaissance, l'Afrique est riche. Son histoire, son passé glorieux à venir et tout le potentiel que l'Afrique regorge. Regardez comment on dessine l'Afrique dans les cartes. Bien plus petit. Les géographes nous dessinent l'Afrique comme un petit espace comme ça là, et l'Europe très grand comme ça là. Et quand on demande que maintenant, soyez sérieux, l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Europe, les États-Unis et l'Asie ne font pas le continent africain. Tous mélangés. Ne font pas le continent africain. Donc, quand on démontre ça sur Afrique Média, alors là, les gens commencent à dire que, mais d'où viennent ces gars? Encore, on commence à dire que, mais la France que vous voyez là n'a pas de sous-sol riche. C'est-à-dire, le sous-sol français est vierge, comme la Vierge Marie. Elle est vierge. Donc, ce sous-sol-là est vierge. Rien de bon ne pouvait sortir. Aujourd'hui, la France est 4e exportateur, vendeur d'uranium, d'or, de machin et de ceci. On exploite leur eau. Bon, je finis en disant ceci. Mm-hmm. Vous avez vu la dernière liste de l'équipe nationale de France? Est-ce que vous avez vu, monsieur? Je l'ai parcouru plusieurs fois. 26 joueurs. Oui. 4 Français de souche. Tout à fait. Le reste étranger. Le reste étranger. On dira que c'est la meilleure forme d'intégration possible. Quoi? Donc, vous comprenez que on a affaire à un État cotisé. Et un État fainéant. Un État fainéant ne peut pas donner des leçons à des États bien constitués. Tout à fait. Merci. Et quand vous regardez équipe nationale comme équipe de volley, équipe de à tous les niveaux. À tous les niveaux, dans toutes les disciplines, la France n'a pas de véritablement des athlètes. Ils ne produisent absolument rien. Arrêtez. D'accord. Merci à vous. Jonathan Batengene, que redoutent les États-Unis? Est-ce que c'est davantage parce qu'il y a ce discours panafricaniste qui est assez grandissant, qui est montant, qui est conséquent, qui prend de l'espace? Ou alors, ils ont justement peur, puisque c'est désormais le cas, d'être mal embarqués dans une véritable concurrence, j'y arrive, sur le continent africain, où on n'a plus l'exclusivité de certains marchés, l'exclusivité de l'exploitation, alors de l'exploitation de certaines de certaines ressources sur le continent africain. Que redoutent finalement les États-Unis dans ce rapport-là? Vous savez, dans une bataille, dans le jeu d'échecs, quand vous jouez aux échecs, vous allez constater qu'il y a les cavaliers, il y a le fou, il y a la reine, il y a le roi. Chacune de ces pièces joue un rôle essentiel. La reine a son cavalier, ses cavaliers, il y a ses fous, le roi pareil. En fait, ces éléments-là permettent de déployer une stratégie. Les États-Unis, pendant longtemps, ont travaillé avec la France pour piller l'Afrique francophone. Ont utilisé leurs multinationales et les organisations franc-maçonnes du réseau anglais, donc de la Grande-Bretagne, pour asseoir leur hégémonie sur les pays anglo-saxons. Et aujourd'hui, il y a Afrique Média qui remet en question cette logique mondialiste qui est acquise entièrement à la cause de l'oligarchie états-unienne. Quand Afrique Média permet d'éliminer le cavalier des États-Unis, parce que les États-Unis considèrent que c'est la reine, parce que dès que la reine est abattue dans le jeu d'échecs, eh bien, le roi, lui, sera liquidé très facilement. Donc, les États-Unis, qui sont la reine, savent que l'élimination de la France, la baisse d'influence des organisations ésotériques comme la franc-maçonnerie, avec le discours d'Afrique Média, les offensives lancées contre le capitalisme mondialiste, tout ceci, c'est des attaques au cœur du système. C'est les attaques directement sur la dynamique des États-Unis. Mais bien plus, lorsque nous prenons sur nous, au-delà de la sphère de contrôle de la France-Afrique, d'aller dans les zones qui étaient considérées comme, par excellence, les terrains de chasse des États-Unis, l'Éthiopie, la corne de l'Afrique, mais également les Grands Lacs, avec le cas rwando-congolais et l'Ouganda. Tout à fait. Les États-Unis comprennent que il y a un groupe qui commence à jouer dans la cour des grands. Et ce groupe ne se limite pas au discours. Il pousse à l'action. Parce que au niveau du State Department et de la CIA, quand ils voient les manifestations dans le Moyen-Orient, dans les Grands Lacs, ils ne voient pas ceux qui manifestent. Ils disent, ceux-là sont poussés par ces gens-ci. Et quand ils voient que c'est imminent le retour d'un Kabila, quand ils voient le retour d'un Kabila potentiel, imminent, ils tremblent. Parce que Kabila, il s'est rapproché des Chinois. Or, qui est l'adversaire numéro un des États-Unis dans le monde aujourd'hui? C'est la Chine. L'ennemi numéro un déclaré par les États-Unis, c'est la Chine. C'est le seul invariant depuis Obama. Ils ont dit Chine et Russie. Mais numéro un, la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a battu les États-Unis dans ce qui fait sa puissance militaire, c'est-à-dire au niveau économique. Et les États-Unis savent que, avec une économie décadente, ils ne pourront plus avoir les moyens de financer l'étendue de la flotte et des bases militaires qu'ils ont dans le monde, et dont ils seront obligés de fermer ces bases. Or, ces bases sont le dispositif qui leur permet d'exister en tant que ce qu'ils appellent puissance hégémonique, ce qu'ils disent première puissance dans ce monde. Ce qui est lancé donc au niveau de la RDC, qui représente le principal pilier de l'avancée technologique dans le monde, parce que la majorité des technologies avancées nécessitent ou requièrent l'exploitation des minerais rares qu'on retrouve en RDC. Ils savent que en perdant le contrôle des mines de RDC, en perdant le contrôle de la RDC, cet avantage stratégique est perdu, et dans la course avec la Chine pour être à la pointe de la technologie, la Chine va l'emporter. Et donc, il y a donc, comme vous entendez très bien, Jonathan Matinguené, une question d'intérêt qui sous-tend quand même cette action du département américain. Tout à fait. Ils savent que leurs intérêts vitaux sont menacés. Et ces intérêts vitaux garantissent leur puissance. Donc, leur décision d'attaquer Afrique Média veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Tout à fait. C'est pourquoi nous demandons encore aux frères congolais, redoublez d'efforts. Redoublez d'efforts. Unissez-vous. Combattez le M23. Vainquez le M23, mais ensuite, chassez la MONUSCO et faites tout pour réorienter vos relations. La Belgique, la France, les États-Unis, tous les pays de l'Occident, rompez pendant un temps les relations avec ces pays. L'action des Africains doit être exemplaire. Si le Congo, et c'est Foucault qui le disait, si le Congo est contrôlé, eh bien, qui contrôle le Congo contrôle l'Afrique. D'accord. Donc, il faut que nous, panafricanistes, nous réussissions ce challenge. Nous devons contrôler le Congo. Quand nous disons panafricanisme, ce n'est pas un groupuscule comme les francs-maçons. Ce n'est pas, monsieur, c'est pas le patriarche Ndessimo ici qui dira, bon, demain, il faut que je déjeune à Kinshasa et on lui dit, il y a un jet privé qui vous attend, monsieur Ndessimo. Non, c'est pas ça. Les panafricanistes, nos frères maliens ont pris le Mali. Je ne crois pas que nous nous soyons levés un jour pour leur dire comment on gère un pays. Le digne président Assimi Goïta est en train de fixer le cas. Aujourd'hui, le digne président Ibrahim Traoré est en train de fixer le cas pour le Burkina. Le président Touadéra fait pareil. Le président Paul Biya agit à sa guise. Nous, panafricanistes, c'est un grand mouvement. C'est une dynamique des fils de Kemet. Nous tous, fils de l'Égypte antique, nous prenons notre destinée en main et nous nous faisons appeler, nous nous désignons comme les panafricanistes. Et à ce titre, il faut que nous contrôlions le Congo. C'est pourquoi nos frères congolais, tenez votre combat, gagnez-le comme Abiy Ahmed, le Premier ministre, digne et brave combattant de l'Afrique, a gagné son combat face aux Tigréens. Gagnez votre combat. Chassez les États-Unis du Congo. Avec ces États-Unis affaiblis et la géopolitique qui est en train de s'inverser, on va rentrer dans un monde où les États-Unis seront une puissance régionale parce qu'ils ont aussi des matières premières. Donc ils pourront quand même conserver un brin de puissance. Ils seront une puissance régionale en Amérique du Nord. Eh bien, nous les Africains, toutes les statistiques montrent qu'en 2050, 3 richesses sur 4 seront africaines. Nous aurons donc la latitude de mener la danse dans ce monde. D'accord. Nous sommes en plein dans le combat hégémonique qui oppose les peuples libres à l'hégémonie néocolonialiste, mais surtout à la dictature états-unienne dans le monde. Allez, merci à vous, Jonathan Batengene, professeur Jean-Paul Bellec. Je me retourne rapidement vers vous, vu qu'on a donc mieux apprécié davantage avec les contributions d'André Christel Fanga, mais surtout avec Jonathan. Cette nette volonté des États-Unis aujourd'hui à se dresser comme un véritable obstacle à la liberté de pensée que prend effectivement Afrique Média. Et d'ailleurs, dans ce qu'a dit Jonathan Matéguéné, il n'y a que depuis un moment, on observe avec notamment ce qui se fait du côté du Burkina Faso, du moins dans le Sahel, qu'plus un seul leader ne pourrait aujourd'hui se prévaloir, en tout cas être véritablement président de la République sur le continent africain s'il ne garantit pas les intérêts du peuple africain et du panafricanisme, ce qui nous permet de croire aujourd'hui que si jamais ce discours n'est pas arrêté, on risquerait de se retrouver avec 55 présidents africains qui travaillent uniquement pour l'intérêt du peuple africain, ce que redouteraient visiblement les États-Unis. D'accord. Alors, juste pour dire que j'ai essayé de retrouver, j'ai trouvé la presse qui parle de cette attitude du département américain, mais c'est en vain que j'ai cherché à trouver l'expression même venant du département américain. Mais j'ai trouvé la presse qui relaie ça. Pourquoi? Parce que ça pose une question. Ces gens-là, ils sont stupides. Là, je n'ai pas dit imbécile. Hein. Là, non, entendez bien stupide. Hein. Là, c'est dit stupide. Ouais. En anglais, stupide. Stupide en anglais veut dire idiot. Donc, eux-mêmes peuvent entendre stupide. Si vous voulez. Voilà. C'est quand même bizarre parce que ils ont quand même une population noire chez eux. C'est vrai qu'ils contrôlent l'accroissement de la population noire, mais les noirs aux États-Unis, c'est quand même plus de 40 millions d'habitants. Sur les 335 millions, il y a quand même officiellement 42 millions de noirs. Sachant que si on faisait une extension du noir, on peut largement mettre les latinos parmi les noirs. Hein? Bon, même chercher quelques Asiatiques là-bas pour n'appeler blanc que ce que les États-Unis eux-mêmes veulent appeler blanc, c'est-à-dire les whites anglo-saxons protestants. Ah, ils ne seront pas très nombreux. Okay? Bon, ils ont des noirs. Comment ça se fait qu'ils ont, même le actuellement, bon, ils sont des collaborateurs, c'est vrai, mais le ministre de la Défense, on peut dire, quoi. Parce qu'ils ont d'autres noms, mais l'équivalent français, le ministre de la Défense, lui-même est noir, non? Cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, et qui se méfient. Même ceux-là qui sont vendus, à un moment donné, même ceux-là qui collaborent, peuvent prendre, se réveiller. Et c'est, ils jouent avec l'Afrique comme si l'Afrique était une quantité mineure chez eux. Mais c'est faux. Qui a construit les États-Unis? La capitale Washington même, un peu d'histoire. La capitale Washington. Washington, pour prononcer comme eux. À qui la doivent les plans de la capitale de Washington? Benjamin Banneker, un Africain américain. Puisque l'architecte, l'enfant d'origine française, heureusement qu'on lui avait recommandé Benjamin Banneker, mais il avait fui dans sa façon d'être français là. Il avait fui avec les plans. Or, on était à la veille. Hein, de la fête d'indépendance, vous voulez récupérer la capitale. Oui, l'enfant, il a fait avec les plans. Heureusement que Jefferson avait affecté Benjamin Banneker sur recommandation auprès de l'enfant. Et Banneker a exprimé son côté africain. C'est-à-dire qu'il avait mémorisé tout dans sa tête. C'est Banneker qui avait fait les plans. Dans la capitale Washington. Il adore Banneker. Ça, c'est un fait historique. Le premier a construit une horloge sur le sol américain, en parlant de technologie. C'est Benjamin Banneker, non? Puisqu'ils importaient tout d'Europe. Il a fait l'horloge. Cette horloge est encore là-bas, à la Maison Blanche. C'est une horloge en bois. Hein. Parce que vous avez des matières premières où? Une horloge en bois. Ayant démonté la montre que les frères Ellicott lui avaient laissée quelques semaines auparavant. Les frères Ellicott sont venus le voir parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait quelqu'un d'intelligent dans le secteur. On est là-haut dans le Maryland, Baltimore, dans la région de Baltimore. Benjamin a démonté la montre, il a fabriqué une horloge avec du bois et il a remonté la montre. Et quand ils sont arrivés, quand les Ellicott sont revenus, il leur a remis leur montre et il leur a montré ce qu'il avait fait. C'est dans la Maison Blanche, l'horloge de Banneker. C'est la première horloge fabriquée aux États-Unis. Donc, on ne peut pas s'amuser autant avec la population noire. Parce que c'est comme si elle était déconnectée de l'Afrique. La population noire des États-Unis n'est pas déconnectée de l'Afrique. Ils ont beau travailler l'esprit des gens traficotés. Mais justement, encore là, rendons hommage toujours à Kalala Omotondé. Ça faisait partie des choses qu'ils divulguaient. C'est-à-dire que prendre conscience du génie africain. Et Benjamin Banneker en fait partie. Et c'est cette prise de conscience, je dis que oh, je vais chuter, t'inquiète pas. Elle ne va pas tarder. En fait, tout est là. Ce n'est pas aux États-Unis qu'il faut chercher. Ce sont des gens arrogants qui sont en voie de disparition. West anglo-saxon protestante, c'est en voie de disparition. Revenez dans 20 ans, ils ne représentent plus grand-chose. Obama était le premier président non-WASP. Je veux dire, dans la mesure où il a quand même parti de son africain, un peu cafard. Maintenant, sa maman et tout le reste. Bon, mais vous allez voir que les prochains présidents des États-Unis, ils seront soit latinos, soit peut-être noirs, africains, pur jeu. Moi, je vous dis. Regardez en Angleterre. Bon, un exemple. Ah, il est d'origine indienne. Bon, voilà. Ce sont des gens en voie de disparition. Et leur arrogance va les perdre. Parce que autant ils. The harder they fall, the harder they come. One and all. Ça, c'est la chanson de Jimmy Cliff. Le titre, justement, c'est The Harder They Come. Uh-huh. Et il a même fait un film, le titre aussi, c'est The Harder They Come. Plus dur ils viendront, plus dur ils vont chuter, tous à la fois. C'est ce qui les attend. D'accord. Donc, ils devraient bien y réfléchir. Si c'est vraiment vrai. Que, ben, par exemple, nous, on veut collaborer avec la Russie, on n'a pas droit. On est leurs esclaves. On n'a pas droit de collaborer avec la Russie. Et maintenant, ils vont nous punir, ils ont fait voter une loi. Mais c'est des gens stupides. Et ils n'ont pas encore compris que la supercherie a assez duré. Ils ont rencontré des intelligences égales. Se faisant le chiste chez Quentin Diop. Mais tant pis pour eux. Je reprends tes mots. Tant pis pour eux. D'accord. Tant mieux pour nous. Tant pis pour eux. Et en tout cas, ce sera mieux pour nous. Merci à vous, très chers messieurs. Simon, merci infiniment de nous avoir accompagnés ce soir. Monsieur André Christel Fanga, Jonathan Batéguéné, professeur Jean-Paul Mbelek. Nous n'avons pas la prétention, monsieur, d'avoir tout dit autour de ces faits d'actualité. Il est important de dire aux Africains, il y a un homme, un jeune, qui a pensé, malgré la modicité des moyens, malgré la souffrance, parce qu'on nous a fait croire que l'Africain est incapable de rien faire, mais voici un jeune Africain qui s'est débattu, qui a pris le taureau par les cornes et a hissé un média au niveau planétaire jusqu'à ce que le département d'État est en panique. Donc nous voulons saluer M. Justin Tagou. Félicitations, M. le Président. Courage à vous, continuez. Et courage à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied parce que les techniciens, les journalistes, les arrangeurs, les infographes et tout le monde qui travaille dans ce groupe pour que justement nous puissions être vus dans le monde et que nous puissions créer cet impact-là. Vraiment, c'est quelque chose à saluer et de dire, s'il y a un modèle à suivre, voici un modèle. Allez, vivement donc de suivre ce modèle qui nous permet d'être éclairé. Merci à vous. très cher monsieur, pour votre confiance sans cesse renouvelée à chaque fois à ce média et davantage à ces différents contenus. Nous avons été un peu plus nombreux encore ce soir à nous suivre via nos différentes plateformes numériques. Nous vous disons merci et à très bientôt pour une nouvelle édition des débats sur la télévision. Bonne soirée à tous. Afrique Média, le monde, c'est nous.